reviendra à la vie, l'âme emplie de magie. Par un petit matin d'hiver, sa maman a laissé aux portes du monastère son nouveau-né. Il s'appelle Marcelin.